بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله dernière fois on a fini le premier فصل الذي يتعلق بالأسماء بعض الأحكام في الأسماء des règles liées au nom تستطيع أن تأتينا بخلاصة هذا الفصل فقط القواعد السبعة القواعد الأولى كل Tous les noms d'Allah, Azza wa Jal, ils sont beaux. C'est même de la beauté. Sanyan. An asma Allahi a'lam wa asaf. Ce sont tous des noms propres et ainsi que des descriptifs. Thumma thalitha. أسماء الله إذا دلت على وصف متعدين يثبت يعني يتضمن أو بدو أيوة يكون ثلاثة أمور سي كوا لي تخوا شوز ثبوت صفة وثبوت اسم أولا دابور نفيرم لو اسم ثبوت الصفة ونفيرم الصفات ثبوت الأحكام الحكم والمقتضى لو جمون كي اون ديكول Et l'autre, si c'est un fiel, c'est dans l'être à la wasf. Lazim. Lazim. C'est juste les deux premiers. Ithbat al-ism ou Ithbat al-sifa. Al-sifa, ahsanta. Al-qaida al-rabi'a. Rabi'a. Kullu. Dalalat asma illahi. Ala dhatihi wa sifatihi takounu. Attendu par quoi? Par trois choses. دلالات المطابقة مطابقة تضمن تضمن والالتزام والالتزام الخامسة على كل اسم الله تعالى لا ليس محصور بعدد معين قبل تنعنت قبل هي توقيفية لا مجال لها للعقل elles sont توقيفية on ne peut les déduire par la raison comme ça directement. ثم السادسة. اسم الله تعالى غير محصور بعدد معين. نعم. Ils ne sont pas limités à un nombre particulier connu auprès de nous. والسابعة. السابعة. Qu'on a appris hier. Tu as cité au début. Quelque chose qui peut être du kufr ou du shirk. الالحاد. في اسماء الله. الالحاد في اسماء الله enfin tu vois tout ce qu'on a appris là et qu'on a appris dans la Tadmouria celui qui maîtrise bien cela alhamdoulillah mathalan déjà comme les Ahbesh c'est comme on dirait l'affaire d'un coup de balai bismillah ta'ala un coup de balai vite fait ça veut pas dire qu'ils vont accepter enfin, les gens des passions ils n'acceptent pas Mais un coup de balai dans le sens que ils vont pas discuter longtemps avec toi, ils vont voir que toi, c'est bon, t'as une muraille autour de toi de ilm et que leur chebouette elle passe pas. Donc soit ils vont tout simplement te regarder de très mal de loin, ou bien l'autre éventualité c'est que tu peux te faire taper. Parce que les Ahbesh ils cognent, c'est marrant, ils peuvent te cogner. Donc toi t'exposes pas au fitan. Même t'exposes pas au fitan et la jahiliya on la met de côté. Ne pas arriver devant eux et jouer de toute façon, moi, si jamais vous voulez vous bagarrer, je suis prêt là. Ça évite. Maintenant, ils t'agressent, tu te défends, mais là, chèque. Mais après, tu joues le mec de cité en disant, moi, c'est quand tu veux ou tu veux. Non, à la main, à cela. Allah Azza wa Jal, il t'a pas informé de ce nom des assemblées pour que tu bagarres pour eux. Allah Azza wa Jal, il t'a donné la science pour que tu puisses exposer la chose. Après, tu vois que ça mène à Difitan, tu t'éloignes du Fitan. Inema Saïd, moi, je ne mets le Fitan. Tu t'éloignes d'eux. Et tu mets en garde contre eux. Après, c'est comme ils viennent et t'attaquent ou quoi, tu te défends. À main jouée, comme on... ça se passait à l'ancienne, descente, une bande de frères, on va taper des harbèches. Ça, là. À la main de Farada. Bien qu'ils méritent. Hein. Ils méritent, comme disait l'imam Shafiri, que les gens de la falsafa qui les quittent à Bosunna, ce qu'ils méritent, c'est qu'on tourne avec eux dans les aswek et qu'on les tape à coups de ni'al et de feuilles de palmier, on dit Hadha hukman tarak al kitab Sunna wa akbala la falsafa. Celui qui a délaissé le Kitab wa Sunna et qui s'est mis à prendre la philosophie. C'est ça le hukm qui est. Ça, c'était quand à l'époque où les salafs, où les hukam, ils avaient une koua dans le din, qu'ils appliquaient la charia. Ben aujourd'hui, tu vas faire ça, c'est toi qui auras des problèmes, surtout en France. Donc, d'exposer Adilla, Qubila, Alhamdulillah, Akbel, Amru ilallah. Tu t'en vas. طيب الان ندخل في الفصل الثاني اكوجي الاحبش اتوش tout ce qui est ceux qui disent ashaira aujourd'hui il y en a plein il y a pas que les ahbesh il y en a autre que eux qui disent moi je suis asharite comme ils disent en français il y en a plein c'est très répandu au Maghreb au Mali au Maroc en Algérie il y en a plein à l'asaf طيب الفصل الثاني قواعد في صفات الله تعالى direct dans les sifat d'Allah azza wa jalla قال القاعدة الأولى première règle صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه que les attributs d'Allah عز وجل sont tous des attributs de perfection et qui n'ont aucun manque aucun manque أولا الصفات ما هي الصفة اصطلاحا المعنى القائم بالله بما نعت به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بما يدل على الكمال المطلق له والمنزه له طيب من النقص والشبيه في ذلك c'est un sens qui se tient par Allah عز وجل par lequel il s'est décrit lui-même ou que son messager صلى الله عليه وسلم a décrit qui démontre sa perfection absolu, mutlaqan, et qui le purifie, le dénue de tout manque et de tout défaut et de toute ressemblance dans ce qui lui est spécifique. Tamam. Thumma, elle est le bida, comme Shubouet qu'ils ont dit que ils ont divisé entre le zat, l'essence et la sifat, que la sifat c'est une chose qui tient par elle-même. C'est pour ça qu'ils disent que ta'adoud al-sifat, yadoul al-amaza ta'adoud al-qudama. Ça retombe dans le shirk. Le fait d'attribuer plusieurs sifat, ça amène à plusieurs divinités. Donc là, la souhaite qui est venue, c'est, on a eu présenté de Mouria, al-sifat, hel ya al-zat, au shay zaid al-zat. Est-ce que c'est le zat, l'essence en soi-même, ou une chose en plus? Cheikh Kamel, il répond à cela dans son ta'liq. Il dit que si jamais le zat, c'est comme les Moubtadia, ils ont compris que c'est une chose, une essence dénue de toute sifat. D'accord? Donc la sifat, c'est une chose qui sera en plus. Mais, si jamais le mourad, le sens voulu, par le zat, c'est une chose qui a des descriptifs, alors la sifat sera quoi? Une chose qui sera l'azim de ce zat. L'azim, c'est-à-dire une chose que ce zat va impliquer. Car il n'y a pas de zat de choses sans qu'elle ait des awsaf. Même des choses qui ne sont pas des corps, comme les Moubtadi'a disent, مثلاً, ils disent que tout ce qui a, tout ce qui a un corps, non, tout ce qui a des sifat a forcément un corps. On dit, mais alzim, hada, مثلاً, zakarna fita dumuria, leila, tawila, une longue nuit. Est-ce que la nuit, ça a un corps? Har, shadid, une chaleur intense. Shadid, c'est un wasf pour le har. Est-ce que le har, c'est une chose qui a un corps? Là. On dit, مثلاً, ilm, razir, une science profonde. Est-ce que le ilm, c'est une chose qui a un corps? Là. On dit, basira, naqiba, une vision, on va dire, perçante. Est-ce que la vision, c'est un corps? Là. Mais pourtant, ça dit awsaf. Ça dit awsaf. Ça dit description. Donc, mayal zemaala, comme eux, ils le disent. Donc, ces sifat, elles sont toutes des sifat de perfection. Ils ne comprennent aucun manque et aucun défaut. قال كل حياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع العقل والفطرة. Donc, comme la haya, la vie, la science, la kudra, la capacité, l'ouïe, la vue, la rahma, la puissance, la sagesse, l'élévation, l'immensité, la grandiosité, on dira, tout ça, toutes ces choses-là qui sont prouvées par les textes et par la fitra salima, la fitra celle sur laquelle Bani Adam ont été créés, qui accepte à la base le tawhid et qui accepte toutes ces choses-là. La fitra, celle qui est saine, pas celle qui a été corrompue par la suite. Qale amma sam faminhu qawlu Allah ta'ala, parmi les adilas du sam, la part d'Allah dans Azza wa Jal, lillazina la yu'minuna bil akhira mathalu as-saw wa lillahi al-mathalu al-a'la wa huwa al-azizu al-hakim, que ceux qui n'ont pas cru en l'au-delà, ils ont le mauvais exemple. C'est-à-dire ils sont décrits de façon mauvaise. Alors que Allah a l'exemple plus haut. Et il est le Aziz al-Hakim. Donc le Mithal al-A'la, c'est quoi? C'est la description la plus haute, la meilleure. Amma al-Aql, la raison. Fawajhu anna kulla wujudin haqiqatan falabud an yakuna lahu sifa. Imma sifat kamal ou imma sifat naqs. Que toute chose qui existe, réellement, a forcément des sifat. Soit une sifat de perfection ou une sifat de naqs. والثاني باطل بالنسبه الى رب الكامل المستحق للعباده. Quant au deuxième, c'est-à-dire une sifat de naqs, c'est une chose qui est impossible dans le droit d'Allah Azza wa Jal, celui qui mérite l'adoration. ولهذا اظهر الله تعالى بطلان اولوهيه الاصنام باتصافها بالنقص والعجز. C'est pour cela que Allah fait apparaître la fausseté de la divinité attribuée aux asnam, aux idoles, en montrant justement leurs manques et leurs défauts et leur incapacité. Qala azza wa jal, wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu illa yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Et qui donc est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah ce qui ni ne lui répond jusqu'au jour de la résurrection, et eux qui sont inattentifs à leur invocation. Donc il a mis quoi comme sifat à ses asnam, à la ghafla. Et كذلك لا يستجيب, il répond pas. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون اين يبعثون. Il dit ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien du tout et eux-mêmes sont créés. Donc ça c'est quoi sifat naqs? Ils ne peuvent pas créer. Ils sont morts et non vivants. Donc c'est-à-dire ils n'ont pas le haya. Et qui ne savent pas quand est-ce qu'ils sont ressuscités? Donc ils ont quoi du jahl? Kula dit sifat, sifat nox. Des attributs de nox. Wa qala an Ibrahim wa huwa yahtaju ala abihi. Ibrahim, lorsqu'il dit à son père, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Lorsqu'il dit, ô cher père, pourquoi adores-tu ce qui ni n'entend, ni ne voit, ni ne peut rien te faire, t'apporter? Donc regarde, le fait de ne pas entendre, sifat naqs. Le fait de ne pas voir, sifat naqs. Et le fait de ne rien pouvoir apporter aux autres, sifat naqs. Attribué à qui? Aux fausses divinités. Wa la qawmihi afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ufin lakum lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Qu'est-ce qu'il a dit à son peuple Ibrahim alayhi salam? Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne vous apporte aucun bien ni même ne peut vous nuire? Fi de vous de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas. À point, j'ai du mal à dire ces mots-là. Donc là, qu'est-ce qu'il a? Ces divinités qu'ils adorent ne leur apportent aucun bien, ni ne peuvent leur nuire, ne peuvent rien leur faire. Donc ça, c'est vraiment un manque de aql. ثم إنه قد ثبت بالحس ومشاهدة أن المخلوق صفات كمال ويمن الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. Il a dit qu'on a bien constaté par les sens et les constats que les créatures ont également des sifats de perfection. C'est relatif par rapport à la création. Ces sifats, de qui proviennent-elles? D'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui apporte la perfection est encore plus en droit d'en être attribué. Ce qu'on appelle qiyas al-awlawi. Le qiyas al-awlawi, c'est-à-dire que les choses, c'est un qiyas que Ahl al-ilm ils ont posé pour dire que tout ce qui est trouvé comme sifat de kamel qui ne contient aucun ox dans la créature, le créateur est plus en droit de l'avoir comme sifat, comme descriptif. Et ce n'est pas tout le monde qui le voit, ce qiyas. Donc ça, c'est ce qui est lié au adillah. D'accord, au adillah. Maintenant, al-fitra. Qala wa amma al-fitratu فلأن النفوس السليمة مجبولة مفتورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تجب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصفون بصفات كمال اللائقة بربوبيته والألوهية. Donc la fitra, c'est quoi? Que les nufus, qui sont saines, ont été créées de quoi? De sorte à aimer Allah et à lui faire le ta'zim et à l'adorer. Donc est-il possible qu'une fitra, salima, se mette à adorer si ce n'est une chose qu'elle connaît qui a des sifats de perfection? Il ne peut adorer une chose qui a un manque. C'est pour ça que souvent dans les débats entre les Anbiya et ses peuples, ils disaient, comme c'est le cas d'Ibrahim, bah, tu adores une chose qu'il ne voit pas, une chose qu'il n'entend pas, une chose qui ne peut rien t'apporter. Mais là, chèque, que tu ne peux pas. Torah qui va dire, c'est vrai qu'il y a un problème. Demain, tu arrives devant quelqu'un qui adore une pierre, Mathalan, et cette pierre, je ne sais pas, tu la prends, tu la jettes dans un puits. Tu dis, elle a fait quoi cette pierre pour elle-même? Rien. Elle va faire quoi pour toi? Elle va faire quoi pour toi? Rien du tout. Délaisse cette pierre et adore le Créateur. فإن كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصم ونحوها لقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. Donc toute صفة de نقص qui n'a pas de perfection, il est impossible que Allah se l'attribue, comme la mort, d'accord, comme le jahl, l'ignorance, comme l'oubli, comme l'incapacité, comme le fait d'être aveugle, comme le fait d'être sourd et autres. Comme Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit, et repose-toi sur celui qui est vivant, celui qui ne meurt pas. Al-hayy al-lazi la yamut. Donc la haya d'Allah Azza wa Jalla, elle est parfaite. Pas de mort. Et elle n'était devancée par aucun néant. Wa qawluhu an Musa alayhi salam fi kitabin la yadillu rabbi wa la yamsa. Il a dit quoi? Que mon Seigneur ne se perd ni n'oublie. وقول الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. Qu'il n'y a rien qui soit en mesure d'empêcher Allah de faire ce qu'il a à faire. Tamam? Dans les cieux, dans la terre. C'est-à-dire que le ajz, hada laysa min sifati Allah abadan. Mustahil, c'est impossible. وقوله أم يحسبون أن لنسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون. Pense-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs discussions secrètes intime, bien sûr que si. Et nos messagers auprès d'eux écrivent, c'est-à-dire les malaïkas qui écrivent toutes les paroles. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil dajjal innahu a'war wa inna rabbakum lisabi a'war. Il a dit quoi le nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos du dajjal? Qu'il est bon et que notre Seigneur certes n'est pas bon. Car être a'war, c'est un défaut. Et de là, les relèves ont fait un istinbat que Allah il a deux yeux. Car le contraire de bon, c'est avoir deux yeux. Maintenant, ce n'est pas salih, mais c'est ce qui était déduit. وَقَالَ يَا يُوَ النَّاسِ أَرْبِعُوا لَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَتَدْعُونَ أَصَمْ وَلَا غَائِبَ. Quand il a dit aux gens que vous n'invoquez pas quelqu'un qui est sourd ou quelqu'un qui est absent, parce qu'ils levaient leur voix en invoquant. Et celui que vous invoquez, il entend, d'accord, et il est présent. Donc tout cela, l'absence et le fait de ne pas entendre sont des sifats de nox. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما قال في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Que Allah a certes réprimandé ceux qui l'ont décrit par des sifats de nox. Il a dit à propos des juifs qu'ils ont dit que la main d'Allah est fermée, que la main soit fermée et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit, mais plutôt ces deux mains, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, sont grandes ouvertes et il dépense comme il le veut. Wa qawluhu laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya' bighayri haqq wa naqulu dhuku 'adhab al-hariq. Que Allah a déjà entendu la parole de ceux qui disent que Allah est pauvre alors que nous sommes riches. Qui c'est qui disait cela? Les Yahoud. Nous allons écrire ça de ce qu'ils ont dit, ainsi que leur meurtre des anbiya sans droit. Et nous leur dirons: goûter au châtiment pour ce qu'ils ont dit. Donc ils ont décrit Allah comme étant quoi? Fakir. Alors Allah c'est ou al-ghani. وَنَزَّهُ نَفْسَهُ عَمَّا يَصِفُونَهُ بِهِ مِنَ النَّقَائِسِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et qu'il s'est purifié lui-même de ce qu'ils lui ont attribué comme défaut et comme manque. Il a dit dans le sens que soit purifié ton Seigneur, Seigneur de la puissance, de ce dont tu le décrives, et la paix sur les envoyés, et la louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc le tasbir, c'est le tanzir, le fait de purifier Allah de tout défaut, de tout manque. Wa qala ta'ala, ma attakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, wa la'ala ba'dhum ala ba'd, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Il a dit que Allah ne s'est pas approprié d'enfant et il n'avait avec lui aucune autre divinité. Car chaque divinité, sinon, serait partie avec ce qu'il a créé. Il y aurait quoi ? Une divergence entre eux. Et que chacun d'entre eux aurait essayé de prendre le dessus sur l'autre. Donc qu'ils soient purifiés de ce qu'ils lui ont attribué comme mauvaise sifat. فَإِذَا كَانَتْ صِفَةُ كَامِلًا وكمالا في الحال ونقصا في حال لم تكن جائزه في حق الله ولا ممتنعه ولا ممتنعه ولا ممتنعه على سبيل الاطلاق. Donc maintenant, si une sifat, elle peut être de côté de perfection dans un sens et un défaut dans un autre, on ne peut l'attribuer à Allah dans l'absolu, mais attention à faire. فلا تثبت له اثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا بل لابد من التفصيل فيتجوز في حال التي تكون كمالا وتمتنع في حال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. Maintenant, cette sifat là, qu'on a dit, il y a un tafsil. Lorsqu'elle a un côté de perfection, on l'attribue à Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'elle a un côté de nox, on ne lui attribue pas. À l'exemple de quoi ? À l'instar, mathalan, le fait de faire un stratège, le complot, la tromperie et autres de ce qui y ressemble. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأن حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه مثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غير هذه الحال. On l'a pris dans Talmouria. Car ces sifats-là te démontrent quoi ? Que celui qui les applique, il les applique à Azawajel, ne fait que ceux qui méritent. C'est-à-dire celui qui agit de la sorte, Allah gère de la sorte avec lui également. Et cela démontre quoi justement ? Sa force. Qu'on ne peut pas te tromper toi. On ne peut pas te... Mais on ne peut, mais Salen, te tromper ou t'endurer en erreur. Mais plutôt que celui, tellement il a de la force, qui ce complot, il le retourne contre toi-même. Ce qui prouve que quoi ? Il est encore plus fort que toi. Donc là, c'est à quoi ? Nox, à un côté de quoi ? C'est de Kamel. Perfection. C'est-à-dire que tu es meilleur que ton adversaire. لِهَذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثله كقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. C'est pour cela que Allah ne les a jamais cités, c'est-à-dire pour lui-même, de façon absolue. Mais juste, il les a cités en contrepartie pour ceux qui ont voulu agir de la sorte avec lui ou avec ses messagers. Allah, dans le sens où il dit qu'il complote et que Allah complote, et que Allah est meilleur en complot que eux. Il est meilleur qu'eux. Bila ashak wa la raib. Wa qawluhu, innahum yakiduna kayda, wa akidu kayda. Qui font leur stratagème, moi je fais le mien. Wa qala ta'ala, wallazina kadhabu bi ayatina, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, wa umli lahum min kaydi matin. Et que ceux qui démontent nos versets, nous allons les emmener. C'est-à-dire istidraj, par échelon, de là ils ne s'en rendent pas compte, il y a vers le mal. Et je leur accorderai un délai, et mon stratagème, certes, est solide. Que les munafiqoun tentent de tromper Allah, alors c'est Allah qui les trompe. Ils diront, nous étions avec vous, nous faisions que nous moquer d'eux, c'est-à-dire d'eux des croyants. Mais Allah, c'est Allah qui se moque d'eux. Donc toutes ces sifats-là, Allah les attribue à qui ? À ceux qui les appliquent contre les croyants ou essaient de le faire envers lui-même ou envers ses messagers. وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ أَنَّهُ خَانَ مَنْ خَانُوهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَامْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. C'est pour cela que Allah n'a pas cité la trahison lorsque eux l'ont trahi. Dans le sens où il dit, et s'ils veulent te trahir, sache qu'ils ont déjà trahi Allah auparavant, alors il les a saisis. Et Allah est Alim Hakim. Wa qala fa amkana minhum, il les a saisis. Lam yakul fa khanahum, qui les a trahis lui-même. Li anna al-khiyana khad'atun fi maqam al-ittiman. Naam. في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا. Car la trahison, c'est quoi? C'est la tromperie, alors qu'on attend de toi une chose de confiance, de l'honnêteté. C'est le fait d'être déloyal. Donc ça, c'est une sifat de nox complètement, totalement. La trahison, c'est une sifat de mal, totalement. Et parmi les sifat de qui? Des munafiqin. وبذا عرف نقول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش فاحش يجب النهي عنه. Et de là on voit que certains awam qui disent que Allah trahit ceux qui l'ont trahi. Ça, c'est une parole qui est grossière, qui n'a pas le droit d'être donnée ou d'être prononcée. Car le khiyana est une sifat illah. Il a sifat dham, sifat nox. On n'a pas le droit d'attribuer ce genre de sifat à Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'était cette règle-là, la première, qui est que le sifat d'Allah Azza wa Jal, c'est toute kamel. Et le kamel, ça veut dire quoi? Qu'elle s'oppose à toute sifat de nox, à leur opposé. Et certaines sifats qui ont deux wajh, de kamel et de nox, on les attribue à Allah Azza wa Jal dans le côté de kamel, pas de nox. Et celles-ci ne sont attribuées qu'en contrepartie de celui qui agit de la sorte. Thumma qal, rahimahullah ta'ala. Tout ça, on l'a pris hein, dans Tadmouriya, c'est pour ça qu'on a mchi, Inch'Allah. Al-Qa'idat al-Thaniya, deuxième règle, fi sifat. Bab al-Sifat awsa min bab al-Asma. Que le sujet des sifat est plus large que le sujet des noms. كيف ذلك؟ وذلك لأن كل اسم متضمن صفات كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. Pourquoi? Car chaque nom, lui, englobe la sifat qui va avec. Comme on l'a pris dans la troisième règle, dans les règles des noms. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى. Et parmi les sifat, certaines qui sont liées aux actes d'Allah Azza wa Jal. وأفعاله لا منتهى لها. Et ces actes n'ont pas de fin. كما أن أقواله لا منتهى لها. Et ces paroles également n'ont pas de fin. On a pris les versets auparavant. كما قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر manafidat kalimatullahi inna Allah azizun hakim. Que même s'il y avait sur terre que des arbres, d'accord, en guise de plume, et qu'il y avait la mer en guise d'encre, et qu'on ajoutait encore sept mers par la suite, cela ne suffirait pas à écrire toutes les paroles d'Allah Azza wa Jal. Wa min amthali thalika anna min sifatillahi ta'ala al-maji wal-ityan wal-arz wal-imsak wal-batch ila ghayri thalika min as-sifat allati la tuhsa kama qala ta'ala wa ja'a rabbuka. Et parmi ces sifat, il y a le fait de venir, le fait d'arriver, le fait de prendre, le fait de saisir, d'accord, le fait de retenir, et autres. Parmi ces sifat qui sont indénombrables. Ça, c'est parmi quoi? Les actes d'Allah Azza wa Jal. Qala Azza wa Jal, wa ja'a rabbuka, ton Seigneur est venu. Wa qala ta'ala, hal yanzuruna illa yatiyumullahu fi zulalin min al-ghamami. Est-ce qu'ils attendent que leur vienne Allah dans l'ombre des nuées? D'accord, la Ta'ala, فَغَذَهُمُ اللَّهُ que Allah les a saisis pour leurs péchés. D'accord, la Ta'ala, وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَكَوَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Et c'est lui qui retient les cieux de ne pas tomber sur terre que par sa permission. D'accord, la Ta'ala, إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَا شَدِيدِ, que certes, la saisie de ton Seigneur est sévère et dure. وَقَالَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, que Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, que Allah descend aux terres, au ciel de la dunya. عَيْشْ النُّزُولِ فَنَصِفُ اللَّهَ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ عَلَى وَجْهِ الْوَارِدِ لَا نُسَمِّيهِ بِهَا فَلَنَقُولُ إِنَّ مِنْ أَسْمَائِهِ الْجَائِي وَالْآتِي وَالْآخِذِ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به مثلا. Ces sifat là ont été exposées, d'accord, cependant il n'y a pas de nom, on n'en tire pas un nom. مثلا, on ne dit pas que Allah, parmi ces noms, le Ja'i vient de Ja'a, ou le Ati de l'Étienne, Yati, ou le Akhiz de Akhaza Yakhuzo, comme on a appris, le Mumsik de Amsaka Yumsiko, le Batish de Batashia Ptisho, ou le Mourid de Arada Yurido, ou Nazil de Nazale Nzilo. Mais cependant, on informe. Donc là, la corrélation, on prend que Al-Ikhbar, Aoussar, Beb al-Ikhbar, Aoussar, Min Beb al-Sifat. Le fait d'informer d'une chose, c'est un chapitre qui est plus large que le Beb des Sifat. Beb, là. Beb al-Sifat, Aoussar, Min Beb al-Asma. Que le chapitre des Sifat est plus large que le chapitre des noms. Pas mal? Car chaque sifat vient forcément d'un nom. Et ce n'est pas tout nom, d'accord, que l'on prend d'une sifat. Non. Voyez, de tout nom, on en tire une sifat, et non le contraire. Ce n'est pas de tout sifat qu'on tire un nom. Mais de tout sifat, on en tire quoi? Le khabar. L'information, on informe. Que Allah ou le Nazil. Allah, c'est lui qui descend. Mais est-ce qu'on dit qu'un Nazil Nasma'ihi? Là. Parce qu'on n'a pas de dalil. Mais on informe que Allah, il descend. Femta hada? Hadahu. Et là, c'est le bab lorsque le shir au début, il dit quoi? Wa dhalika lana kullu ismin mutadamminun li sifat. Que chaque ism contient une sifat. Il n'a pas pris le terme yushtaq min kulli ismin sifat. Car l'ishtiqaq, c'est un bab, des fois, qui peut être mal compris. À la base, l'ishtiqaq, il peut avoir deux sens. Le sens que, il y a un mot qui est une origine des lettres d'origine, et de ces origines-là, en naissent d'autres noms. Mathalan, ar-rahma. Al-madda, l'origine, c'est ra, le ha et le mim. De là, on en tire plusieurs choses. Le verbe, rahima yarhamu. On en tire le ism fa'il, ar-rahim. On en tire différentes choses. C'est-à-dire qu'une chose est venue en premier et de là on tire d'autres choses. Cet ishtiqaq là pour Allah Azzawajal, il est impossible. Car les asma d'Allah qadima, ils n'ont pas de début. Maintenant, lorsqu'on emploie le mot ishtiqaq, comme le dit Ibn Qayyim dans Bada'il Fawaid en volume 1, page 22, fi haqqillah, ça veut dire quoi ishtiqaq? Qu'en fait, ces noms-là ont des lettres communes qui amènent à un sens commun. Mathalan ar-Rahim, c'est commun au Rahma. Et c'est commun au Fir, Rahima Yalhamu. Maintenant, est-ce qu'on dit qu'il y en a un qui est venu avant l'autre et qu'après on a pris le deuxième? C'est pas possible. Comme Mathalan Allah. Allah, Fahemt, les lettres sont celles de Hamza, le Lem et le Ha. De Aliha qui veut dire adorer. Et Allah, à la base, c'est Ismaful qui veut dire Ma'boud. Maintenant, est-ce qu'on va dire que Mathalan Uluhiya vient de là également? Uluhiya, ça vient de là également. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un mot qui est arrivé en premier et de là on a tiré le nom Allah? Là, Asma Allah Qadima. Mais on dit que quoi? Il y a, c'est la concordance entre les lettres. Non, on ne dit pas qu'il y en a qui arrive avant l'autre. Ça, c'est pas possible, fi haqqillah azza wa jal. Mais l'oratin dans le ilm du sarf, naam, ça on va le dire. Mais fi haqqillah azza wa jal, on ne le dit pas comme ça. Lorsque les ulama disent ishtiqaq, adam ushtaq min hadha, fi haqqillah azza wa jal, il ne veut pas dire que ça arrive en premier et de là est venu tel nom et de là on a tiré tel nom. Non, on va dire que les lettres dans ces différents mots, dans le masdar, dans le fir, dans le ism fa'il, ism maf'oul, ce sont des lettres communes. Dont le sens, il est commun et se rapproche. De là, on peut comprendre que veut dire Ar-Rahim par rapport à Ar-Rahma. On peut dire que veut dire Rahima par rapport à Ar-Rahma. On peut savoir que veut dire Ar-Rahman par rapport à Ar-Rahma. Mais on ne dit pas que l'un est arrivé après l'autre. Que un a donné des sens à l'autre. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Ils disent comment? Allah Azza wa Jal, ça vient de Ilah. Donc Ilah, c'est venu avant. Donc Allah, il a eu un nom après. On dit là. Fi haqqillah, c'est pas comme ça. Revenir au kalam d'Ibn Qayyim, inshallah, il est mufid. Dans Bada'il al-Fawa'id. Donc là, le shir, il a dit, mutadammin. Pour pas dire ishtiqaq. La kin, il leur dit ishtiqaq, il leur dit faire le tafsil. Peut-être qu'il a voulu faire un résumé par rapport à ça. Donc si quelqu'un voit, mushtaq min dhalik, dans les kutub de Aqidah, ça, le mot mushtaq, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pas le même sens que dans le ilm du sarf. Là, c'est dans fi haqqillah azza wa jal, c'est un sens différent. C'est un sens différent. C'est le deux qaïdas qu'on a pris aujourd'hui, deux premières dans Fasl al-Sifat. Que Sifat Allah Azza wa Jal, kulluha kamel. Toute son perfection. Et la deuxième qu'on a pris, que le Beb des Sifat est plus large que le Beb des Asma. C'est-à-dire qu'on aura plus de sifat qu'on aura de noms. Connus auprès de nous. Chaque nom, on a dit au début, on en déduit la sifat qui va avec. Mais ce n'est pas tout le sifat qui va venir. On va dire qu'Allah, par exemple, Yadji, min sifati, il m'a dit, on va en tirer le nom. À l'inverse, là. Mais, Yajouz al-Ikhbar. On peut en informer. Webeb al-Ikhbar, Aoussa, min bab al-Sifat. Wabila Shek, Aoussa, min bab al-Asma. Min bab al-Aoula. Fahim ta'ada? Taïe. هذا الذي أخذنا اليوم سبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك